émission Electron Libre arrive sur les ondes d'Antenne Doc. Ce soir, émission spéciale avec plein d'invités. Un vendredi sur deux, de 21h à minuit. Big Ten sur vos ondes. Electron Libre. Big Ten sur vos ondes. Big Ten sur vos ondes. Electron Libre. Electron Libre. Big Ten sur vos ondes. Sur deux, de 21h à minuit. Sur Antenne Doc. émission Électron Libre a commencé avec quelques morceaux en attendant de démarrer avec nos invités du soir. Les morceaux, c'est le net label Audio Activity. Donc Audio Activity, label sur internet, et la compil, ça s'appelle Antifunk. Antifunk, c'est ce qu'on écoute en ce moment et encore pour quelques morceaux. Électron Libre sur Antenne Doc. C'est toujours le label Audio Activity, net label, compil anti-funk, émission Électron Libre Antenne Doc, la soirée démarre tranquillement. Et donc nos invités du soir qui sont arrivés, Nurgle, Deathroll, Katerva, et un peu plus tard dans la soirée, Armageddon et Defray. Et j'espère que Kams, Widget et les autres arriveront aussi en cours de soirée. A tout à l'heure. Thank you. We'll be right back.

Thank you. l'émission Electron Libre Live va démarrer d'ici 5 minutes avec Caterva et Nurgle. Restez à l'écoute d'Antendoc.